excellente fin de journée sur Fadjet, il est 18h. Bonjour, il est 6h, vous êtes bien sur Fadjet, c'est vraiment le bonheur, ne pas se prendre la tête. On m'a collé un gage, faire de belles phrases, un beau langage, ou je m'écrase. Voilà, wow. C'était le lancement qu'on m'a demandé d'écrire, attention. C'est un alexandrin. Voilà, c'est un alexandrin, comme dirait Panoramix. J'ai mis quand même 4 heures à faire ce lancement. Je vous remercie. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude d'écrire les lancements, vous n'êtes pas sympa. Je trouve que c'est beau, moi, tu devrais faire ça plus souvent. C'était, ouais, mal, c'était magnifique, c'était magnifique. Et ben, je demanderai aux auditeurs s'ils aiment bien quand j'écrive en alexandrin. Comment vous allez les chroniqueurs? Trop bien. Ouais, ça va super bien. Qui d'entre vous est le plus en forme? Moi. Du coup, c'est pas Charles. Ok. Je vais dire que c'est Camille qui est la plus en forme parce que c'est elle qui va attaquer tout de suite puisque c'est Camille qui vous fait voyager. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et Camille vous fait voyager. Alors, j'ai pas du tout demandé en intro où on allait voyager, mais tu vas nous le dire. Oui, on va partir dans les pays froids. Moi, j'ai envie de froid. À Punta Cana. Voilà, tout à fait. Non, mais j'ai envie de la neige, le retour de l'hiver. Moi, ça me donne envie de pays polaires. De manger des raclettes aussi, non? Hein? Ah oui, si. Ah, mais toujours, mais toujours. Il est 18h, mais il y a faim. Non, j'ai envie de vous parler d'aurore boréale aujourd'hui. Oh, trop bien. Voilà. En fait, j'ai envie plutôt de vous parler d'aurore polaire, parce qu'en fait, il existe les aurores boréales et les aurores australes. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Les aurores australes, c'est en Australie. Et boréales, c'est... Ouais, c'est une question de pôle, non? Ouais, c'est ça. C'est les aurores boréales, c'est au nord, et les aurores australes, c'est au sud, en fait, tout simplement. Après, il y a une question, effectivement, de symétrie entre les deux. C'est-à-dire que, du coup, quand c'est l'été d'un côté, c'est l'hiver de l'autre. Et donc, du coup, elles ne sont pas en même temps. Oui, quand il y a les aurores australes, il n'y a pas les boréales. C'est à peu près ça. Okay. Donc, en gros, j'ai essayé de réfléchir, de trouver ce que c'était qu'une aurore boréale concrètement, parce qu'en fait, on trouve des millions d'explications très scientifiques que personne ne comprend jamais. Mais en gros, pour faire simple, c'est le soleil qui envoie des particules électriques, voilà, okay, chargées électriquement. Okay. Et quand la Terre, elle tourne, elle intercepte les particules. Donc, il y a 98% qui sont renvoyées par le champ magnétique et du coup, elles vont dans l'espace. Mais il y a un petit pourcentage qui arrive quand même à pénétrer dans le champ magnétique. Et quand ça arrive sur la Terre, elle heurte des molécules et là, bim, ça fait des petits anneaux brillants. C'est pour ça que quand il y a les yeux. Oh là là, j'avais dit un truc intelligent en plus. Quoi, en fait, non, attendez, je remonte le niveau. Du coup, c'est pour ça que quand il y a des éruptions solaires, les aurores boréales, elles sont plus intenses, c'est ça? Oui, il y a une histoire de vent solaire. Qui, oui, il y a des tempêtes et du coup, il y a des moments qui ont. Ça y est, Jamy est de retour. Voilà. C'est tout à fait ça, Sabine. Alors, en fait, je vous explique. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'essaie d'être claire, mais... Alors, après, non, c'était clair. Pourquoi elles ont des couleurs différentes? C'est parce qu'en fait, les atomes qu'elles peuvent croiser dans l'atmosphère terrestre, eh ben, ça peut être, par exemple, plusieurs. Donc, il y a souvent oxygène ou azote, et en fonction de ça, à l'oxygène, ça va plutôt faire des teintes un peu jaunes, vertes, etc. Donc, celles qu'on voit le plus souvent, bien sûr. Mm-hmm. Et après, l'azote, ça vous fait plutôt des teintes violettes, rouges, etc. Donc, d'où les couleurs différentes. Donc, si vous voulez observer des aurores boréales, c'est dans les régions polaires, dans un rayon de 2500 km autour des pôles, magnétiques. Bah oui, parce que c'est là que forcément. Bah c'est là qu'il y a plus de magnétisme. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va qu'au pôle. Mais c'est rare de voir des aurores boréales à Paris. Ou alors c'est qu'on a exactement des choses trop fortes. Ouais, LSD, ça s'appelle. Donc vous auriez envie d'aller où pour aller voir des aurores boréales là? Je sais pas, c'est quoi les pays qui vous viennent? En Laponie. Bah oui. Moi je vais aller en Laponie. En Laponie, ouais. Mais en fait ça fait partie des pays. Donc là, pour les aurores boréales, tu peux aller en Alaska, Canada, Groenland, Islande, Norvège, Suède, Finlande et la partie nord de la Russie. Bout de l'image. Voilà. Bah, en vrai, tu tapes le cercle polaire. Et tu vois tous les pays qui dépassent du cercle polaire et qui font que du coup tu peux... Et du coup ça veut dire qu'en dehors des 2500 km, est-ce que tu peux quand même en voir ou c'est genre ta niette, que dalle? Non, tu rien. Peux. Ah d'ailleurs, c'est ça que je voulais raconter, c'est merde. Que... Ils disent... Bah non, c'est une bonne transition. En fait, il y a même des sites parce que j'ai vraiment tapé pour avoir le plus de lieux possible où tu étais suffisant d'en voir et tu peux trouver l'Écosse par exemple dedans. Ah ouais, ah oui, ouais. Ça peut aller. C'est trop bien. J'ai vu tu peux voir l'Écosse et... Bon, après, en Écosse, tu peux voir l'Écosse. tu peux en voir en Écosse. Et même, ils en ont déjà vu aux Pays-Bas. Et donc, ça peut aller même jusqu'en Belgique. Donc, ouais, apparemment, vraiment c'est déjà arrivé. Bon, alors après, c'est extrêmement rare, du coup. Bah, oui. C'est ça. Ouais. Et puis, il faut être au bon endroit au bon moment parce que ça dure très peu de temps. D'accord, et c'est, ouais. Voilà, c'est. Mais c'est déjà arrivé. Voilà. Non, vas-y. Et du coup, dans le sud, ça ressemble exactement à la même chose que dans le nord. Et bah ouais, exactement. Juste de l'autre côté, quoi. Ouais. C'est juste que c'est l'inverse. On a la tête en bas, c'est voilà, ça, c'est ça. Mais du coup, c'est beaucoup moins connu. Alors oui, on peut voir la tête en bas, si vous voulez. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins connu. Mais du coup, pour les aurores australes, et ben là, c'est plutôt Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie, Géorgie du Sud et Patagonie, Argentine, Chilienne. Donc en fait, Antarctique, tout ça, bah évidemment, c'est le sud. Oui, quoi. Bah ouais. Non, mais bon, sympa. Australie, enfin, c'est pas forcément l'endroit où ouais, tu vas voir des aurores australes. C'est ce que j'allais dire justement. En Australie, voilà, tu t'attends à avoir des migales, des trucs, mais pas forcément des aurores boréales. Oui, c'est ça. Pas Australie. Du coup, je peux voir les deux, des migales et des aurores. Et ouais, tu peux voir génial, des migales dans l'aurore boréale, tu sais. Elle a fait sa toile en fond avec des jeux de lumière. Oui. Ça s'appelle les ombres australiennes, c'est une nouvelle pratique. Non, mais en vrai, je trouve que c'est intéressant à savoir parce que du coup, on pense toujours à aller dans le nord pour voir les aurores boréales et en fait, on peut voir des aurores australes. Alors, par contre, du coup, bien sûr, ne pas se faire avoir, c'est de mai à octobre. Hein, parce que, oui, forcément. C'est évidemment. Donc voilà, et donc si vous voulez être sûr de voir des aurores boréales, alors bien sûr on n'est jamais sûr d'en voir, mais il existe un indice capé, qui est un indice qui est considéré comme le plus précis pour prévoir les aurores boréales, et donc en fait c'est une échelle de 1 à 9, et il te dit, ça mesure l'activité magnétique de la planète, donc forcément c'est lié, et donc 1 étant la plus faible activité et 9 la plus forte, donc du coup ça te donne une petite idée. Et il existe même des sites où tu peux te faire prévenir par mail quand l'activité arrive à 4 ou 5. Quand ça commence à arriver à partir de 4 ou 5. Je suis l'aurore boréale. Bon, encore une fois, c'est jamais garanti, mais voilà, il existe des petits outils comme ça qui te permettent de savoir à peu près. Voilà, tiens, ce soir je vais faire un tour. Alors évidemment, il faut un ciel dégagé, pas de pollution lumineuse, etc. Mais surtout, il faut sortir les combinaisons de ski, les bonnets, les gants, les sous-gants, les chaussettes et les chaufferettes parce que. Parce que bah, sur quand la pluie, oui. Ça caille quoi. Voilà. Ok. C'est ça. Donc moi perso, ça m'a donné encore plus envie. Bah moi là, je suis en train de prendre les billets pour aller en Laponie. Ça vous va ou bah, allez, en plus c'est bientôt les vacances. On parle 25 donc, allez. Ouais, c'est ça. Bon bah ok, je réserve alors. Quelqu'un a une carte bleue pour la Laponie. Pour la Laponie, c'est bien, ça nous fait une petite transition pour notre prochaine voisinade. Voilà, ah oui, voilà. Parce que bah, du coup, tu as donné le thème, mais ça sera sur la Laponie. Je balance. Parce que du coup, je préviens tout de suite, mais le 16 décembre, nous serons en direct pour faire une voisinade spéciale de Noël. Oui. Où tous mes chroniqueurs vont faire des chroniques de Noël. Exactement. Ouais, venir avec des bonnets de Noël, des t-shirts de Noël, des slips de Noël. Des slips, et même des chaussettes de Noël. C'était tout pour toi, Camille ? Oui. Donc du coup, tu n'as jamais fait d'aurore boréale, toi, en plus ? Non, j'ai essayé. On a essayé d'aller en Islande, mais on n'a pas voulu. Alors, l'Islande est quand même plus bas. Hein. Elle est un peu en dessous du cercle polaire. Donc, ce qui explique... Ah, alors, pourquoi ils nous font autant de délire avec les aurores boréales ? Parce que ça arrive quand même fréquemment, mais pas quand nous, on y va, quoi. Ok, d'accord. Eh ben, c'est toujours bon à savoir. Eh ben, en tout cas, je te remercie. Tout de suite, on va s'écouter Imagine Dragons. Alors, attention, je vais le dire à la Camille. Vrekt. J'ai bel accent. Ah, je le lance comme ça, c'est vrai. Vous vous démerdez avec l'écriture, vous tapez ça sur Spotify et vous vous démerdez. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm pain will go away. But everything, it reminds me of you and it comes in waves. When you laughed and your shoulders shook, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is the place that I can't escape your ghost. Days when I'm on the brink of the edge, remember the words that you said, remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. C'était Wrecked, Imagine Dragon, j'ai 18h12 sur Fadjet. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Alors, les indébattables, qu'est-ce que c'est? C'est la phrase que je répète tous les jeudis. C'est un débat cool, cool in the gang. C'est-à-dire, on fait un truc large, tranquille. Oh là là. Ah, beaucoup. C'était mieux finalement quand j'ai écrit les lancements. Bah oui, oui, c'était vachement mieux, ouais. Parce que maintenant, tu m'écriras tout ce que tu dis. C'est ça, en alexandrin, bien sûr. Alors, alexandrin. Allez, faut que je lance le jingle d'alexandrin. C'est un alexandrin. Ah, voilà. Donc, le sujet du jour, c'est quelle est la pire émission télé? La dernière fois, on avait fait la meilleure émission télé, c'était Pékin Express qui avait gagné. C'est pas sorcier. C'était Pékin Express qui avait gagné. Mélie, je vais couper ton micro. Et cette semaine, on a décidé de faire l'inverse. Donc, Camille, quelle est pour toi la pire émission télé? Alors, moi, je me suis amusée à taper. Je me suis dit, ça doit être forcément une télé-réalité. Alors, je me suis amusée à taper sur Google et là, je suis tombée sur des trucs. Je me suis dit, j'avais oublié qu'il y en avait autant. Du coup, ça m'a fait un peu peur. C'est vachement dur de choisir, mais j'ai quand même choisi une où je trouve que le titre, ça t'annonce pas du tout ce que tu vas voir. Il y en a une qui s'appelle Objectif. Reste du monde, voilà. Alors, ah, je ne sais pas ce que. Non mais c'est quand même fou, ça prouve à quel point ça n'a aucun sens. Voilà, objectif, reste du monde. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce qu'on va voir et on ne sait pas. Heureusement, moi je sais ce que c'est. Moi aussi. Du coup, mais c'est quoi? Mais ça n'a aucun sens. Mais ce en titre, gros, c'est de, tu sais, dans toute la série des émissions de télé-réalité avec les Marseillais, les machins. Mmh. Il y avait toute une série de les Marseillais contre le reste du monde. Et du coup, objectif, reste du monde, c'est un peu comme objectif Top Chef, tu vois. C'est pour être recruté. Ils veulent conquérir le reste monde. Mais non, c'est pour faire partie de l'équipe reste du monde. C'est genre un casting, quoi. Ouais, c'est une sorte de casting. Ah, parce que là, ils sont trop bloqués dans les Marseillais et du coup, ils ont envie de s'émanciper. C'est ça, tu et vois. Du coup, après, ils font une émission les Marseillais versus le reste du monde. Et donc, en fait, il faut déjà avoir suivi les premières émissions pour suivre ça. Donc, c'est ça. Du coup, ça m'a fait rire ce titre. Effectivement, c'est pas mal dans le top des trucs nuls. Ah, c'est bien. Charles, qu'est-ce que tu détestes à la télé? Alors, moi, je déteste la télé. Évidemment. Mais. Alors du coup je vais en fait moi je regarde très peu la télé, donc je me base surtout sur des extraits que j'en ai vus. Ouais, bon, ça marche. Et des infos que j'en ai à droite à gauche. Alors effectivement, très haut dans le top, il y a tout ce qui était réalité, la série de les Anges, les Marseillais, les machins, les trucs. Et moi ce que je trouve vraiment le plus nul comme émission, c'est TPMP. Je trouve que c'est un ramassis d'inutilité. Et voilà, enfin après encore une fois, hein, j'ai jamais vraiment regardé, c'est juste des extraits que j'en ai vus, des retours que j'en ai eus, et ça a l'air d'être vraiment dans le top des trucs de tout ce que je détesterais si je regardais vraiment la télé. Mais toujours, j'aime pas la télé, donc c'est en fait, ouais, pour moi c'est une caricature de la télé, et vu que j'aime pas la télé, bah... oui, alors moi j'aime bien le programme, donc je vais forcément le défendre, je sais très bien, mais le problème c'est qu'évidemment tous les extraits qui sont diffusés sur internet sont tous les extraits soit sortis de leur contexte, soit des extraits à buzz avec des petites phrases. Évidemment. Parce que forcément, c'est plus simple. Mais je peux comprendre que tu n'aimes pas. Oui. Mais je déteste plus les objectifs restes de l'objectif. Je suis assez d'accord. J'ai la palme, hein, toute façon, je ne cherchais pas. C'est dans le top. C'est dans le top, au moins dans le top 2. Ouais. Entre les deux, quoi. Mélie. Alors moi la pire émission, je sais pas si vous connaissez, c'était ça s'appelait La Ferme Célébrité. Ah si. Ah mais toi tu remontes toujours à des trucs de 25 ans. Oui. Excusez-moi, vous sortez d'où madame? Bonjour, j'ai 80 ans. Ah, c'était la première télé-réalité quoi, je crois. Non, je crois la première c'était Loft, mais celle-ci c'était vraiment pire parce que du coup c'était des célébrités avec des faux ongles, des grands cheveux, et qui étaient à la ferme, enfin qui n'avaient absolument rien à faire là. Et ils étaient en Afrique, ils devaient, je ne sais plus ce qu'ils faisaient avec les girafes. Enfin bref, ça n'avait aucun sens quoi. Ils savaient absolument ce qu'ils faisaient. Ils devaient s'en occuper. Bah moi je me souviens plus trop, mais j'en ai pas un trop mauvais souvenir quoi. Non, je pense que c'était le début en fait, et du coup ça nous paraissait pas encore. C'était surtout des stars un peu has-been qui sont allées dedans pour relancer un peu leur carrière. C'est ça. Puis c'était, je trouve que c'était vraiment, enfin plus bonne ambiance, plus marrant. C'était bon enfant. Là où, ouais, bon enfant. Là où aujourd'hui, bah quand tu regardes les Marseillais, c'est la recherche du buzz à 100%, des embrouilles, du cul, enfin que des trucs comme ça qui vont vraiment chercher le buzz à fond tout le temps. Et du coup, je trouve que pour le coup, l'époque du début de la télé-réalité, c'était encore un peu marrant. Oui, mais c'était le buzz avec plus bonne ambiance et marrant, et on rigole puisqu'on se fout sur la gueule. Drôle, oui, parce qu'ils étaient nuls dans la ferme, en fait. Ça, le truc, c'est que tu fous un mec qui est animateur télé à changer les couches d'une vache. Ouais. Il y a des couches, d'accord. Ça vend pas du rêve. Hein. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, tu mets des gens hors de leur milieu où ils ont l'habitude d'être et tu te moques d'eux. Enfin, je vois pas tellement l'utilité, en fait, tu vois. C'est vraiment. J'ai pas de problème avec ça. Toi, tu es un monstre, mais non, moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à se moquer comme ça. Enfin, évidemment que la gamine qui a 21 ans, qui passe son temps à se faire du vernis à ongles et s'occuper de ses cheveux, elle peut pas s'occuper de traire une vache. Enfin, c'est compliqué. À un moment donné, c'est normal. D'ailleurs, moi, je ne sais pas non plus traire une vache. Donc... Bon, et moi, je vais enchaîner avec une émission qui s'en rapproche parce que c'est L'amour est dans le pré. J'ai décidé de prendre une émission parce que c'était trop simple de prendre l'objectif reste du monde parce que c'est tellement de la Tout le monde en fait la simplicité. Du coup, hein, L'amour est dans le pré. Je peux pas blairer cette émission. J'ai l'impression que là pour le coup c'est encore pire parce que les gens de la ferme célébrité ils savaient un peu qu'on allait se foutre de leur gueule alors que L'amour est dans le pré. Bah on se fout de leur gueule, mais eux ils sont pas trop. Ouais, ils sont c'est pas le but, pas officiellement. Pas officiellement. Moi j'aime bien la boîte. Moi j'aime bien Karine Marchand. Elle m'énerve. Ah ouais, je l'aime bien. Non, mais moi je trouve que c'est mignon parce que t'as des gens qui sont un peu tout timides, qui osent pas trop parler à la télé et qui sont là. Bah moi je recherche l'amour parce que je suis tout seul. Non, moi tu vois, ça me. Voilà. Moi je verse une petite larme quand je regarde. J'avoue que c'est fake. J'avoue que les prétendants ils vont pour se faire mousser et profiter un peu du fait que les gars. Les gars, ils soient agriculteurs, puis là cette année, je regarde pas, mais je suis quand même un petit peu de loin. Oui, il y avait un gars, il avait 43 ans, il était puceau, c'est on a le puceau de la saison, vous avez vu, il était débucelé. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. J'avoue, dire le pauvre, c'est limite. C'est le tranquille, quoi. C'est limite, quoi, en termes de vie privée et tout. Après, le problème, c'est que c'est comme pour tout, t'as aussi des gens qui viennent juste se montrer, quoi. C'est ça. Après, j'avais aussi une deuxième émission, ça commence aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez. Sur France 2 avec Faustine Bollard. C'est le nom de l'émission ou c'est l'émission qui commence aujourd'hui? Non, c'est l'émission, malheureusement, elle a commencé il y a plus longtemps qu'aujourd'hui. C'est une émission où il y a des gens tristes qui viennent raconter des témoignages tristes avec une animatrice triste et tout le monde est triste. Je pense que quand tu regardes, c'est genre. C'est triste, alors, en fait. C'est triste, Mon mari m'a trompé, en plus, quand il m'a trompé, il a chopé le sida et en même temps, il m'a refait un cancer et le Covid. Alors, ça, moi, j'aime bien les témoignages des gens. Alors, je pense que je pourrais aimer. Je connais pas du voyeurisme à l'état pur et du piano et des trucs. Oh, ça m'énerve. Voilà, c'était ça. Ma morale de l'histoire, la télé, il y a quand même vachement de trucs pourris. Et du coup, arrête de regarder la télé. Non, c'est pas sorcier, puis il y a Koh-Lanta. Oui, bah c'est quand même. Et il y a Kaamelott. Il y a Kaamelott quand même. Quand le lundi soir sur Sister. À 21h55. Non, 05, bref, par là. Bah, tu dors déjà à 21h55. Effectivement. Bon, je vais quand même dire que c'est Camille qui a gagné, parce que même si elle a pas. Non, mais j'avoue que c'était facile. Non, mais je suis assez d'accord. Attention, effectivement, si je devais en choisir un parmi les autres, je dirais plutôt. Objectif le reste du monde. C'est vraiment de la daube. En tout cas, tout ce qui va avec, quoi. Tout le package, quoi. Si vous nous écoutez, les Pagas, les je sais pas quoi, là, les Kimberley, tout ce que vous voulez. On ne vous apprécie pas plus que ça. plus que mais bon, ça. Au moins, vous êtes à peu près potable à regarder. Enfin, bref. Bon, bref. Il est 18h19, vous êtes toujours sur La Voisinade. Juste après Nothing But Thieves de... Non, de... C'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Bah, juste après Nothing But Thieves, on va écouter Charles qui va nous parler de jeux de société. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Je vais vous aider à choisir vos jeux de société en boutique. Ouais, ah, super, cool. On n'en avait pas encore en plus à la maison, c'est bien. Allez, à tout de suite. I saw you down in the neighborhood, and I understood. Spiritual hand over that I can shake. It's getting warm, and I can take an endless rest. 'Cause this fair place, we only got each other. C'était Nothing But Thieves et non pas Is Everybody Going Crazy comme j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai dit n'importe quoi. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont... J'en profite du jingle pour passer une petite dédicace à Thomas qui nous écoute et qui n'aime pas nos jingles. Donc voilà, si Thomas a une meilleure idée de jingle, je t'invite, on est encore là jusqu'à 19h pour jouer des jingles en direct. Ils sont trop bien nos jingles. Voilà. Salut Thomas. Tu peux enchaîner Charles. Ok, alors aujourd'hui, ce soir, bonjour. À 18h24, voilà. Sur la voisinade de Fadjet 94.2. Je vais vous aider à choisir vos jeux de société. En fait, il y a un truc qui est super dur quand tu te lances dans le vide. Cette passion. C'est oh le là sol. Là. Du coup, quand tu te lances dans le vide, ce qui est super dur, c'est le sol. Mais quand tu te lances dans le monde du jeu de société, ce qui est super difficile, c'est que tu arrives dans un rayon ou dans une boutique spécialisée et il y en a. Il y en a des millions. Il y en a des milliers, enfin je sais pas combien il y a de références dans les boutiques spécialisées, mais il y en a vraiment des milliers. Et du coup, je vais essayer de vous donner des petites pistes pour vous aider à choisir vos futurs jeux. quand vous serez devenu accro comme moi. Alors, les chiffres, oui, bon, ça c'est la première réponse. Je voulais faire une phrase quand même. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les valeurs qui sont chiffrées et qui sont notées sur les boîtes. Donc c'est les valeurs que je donne à chaque fois quand je vous parle d'un jeu, je vous dis, ça se joue avec tant de joueurs, pour tant de temps, tel âge, tel prix. Donc ça en fait, c'est vraiment les quatre valeurs qui vont vous aider à choisir un jeu de manière un peu objective. Donc déjà le nombre de joueurs, bon. Bah oui, c'est sur les deux, si on prend un jeu à 4. Si vous voulez jouer à 2, si t'as pas d'amis, si vous prenez un jeu de 4 à 8, ça va être compliqué, voilà. Jouer avec Gaspard, quoi, mais bon. C'est ça. Non, mais même au-delà de ça, c'est là que mes conseils sont intéressants. Parce que je vous dis pas juste d'acheter. Tout maintenant, Charles a enfin un conseil intéressant. C'est ça, voilà. Réveillez-vous, je suis là. Non, mais c'est qu'en fait, le nombre de joueurs, c'est aussi non seulement, effectivement, ça va vous donner à combien vous pouvez le jouer, mais si vous voulez jouer à 2, et que vous achetez un jeu qui est conçu que pour deux, il y a de grandes chances que ce soit mieux qu'un jeu qui est prévu de 2 à 4. Ah bah oui, logique. Ouais. Parce qu'en fait, très souvent, un jeu qui est prévu de 2 à 4 joueurs, en fait, c'est un jeu qui a été conçu pour 4. Et l'éditeur a dit oui, mais je peux pas vendre un jeu qui se joue que à 4. Faire plaisir. Donc, fais une version 2 joueurs, fais une version 3 joueurs. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez jouer à 2, prenez un jeu pour 2. C'est ce que je vous conseille. Ensuite, la durée du jeu, bon, ça après, c'est très personnel. Il y a des gens, la plupart des gens aiment bien jouer une heure et demie, pas plus. Moi j'ai une question d'ailleurs à propos de tiens, ça. Dis-moi. Est-ce que les temps qui sont inscrits sur les boîtes sont assez proches de la réalité en général ou ça peut dévier? Je sais pourquoi tu me poses cette question. Non, mais des fois il y a des jeux, c'est écrit une demi-heure, c'est une heure, ou des fois c'est l'inverse, c'est écrit une demi-heure et c'est un quart d'heure, tu vois. Alors il y a plusieurs choses. Des fois sur les boîtes, enfin souvent sur les boîtes, ils te mettent le temps moyen. Donc par exemple, si t'as un jeu qui est sur 2 à 4, ils vont mettre 90 minutes. En fait, 90 minutes c'est pour 3. Donc il faut faire la moyenne et puis dire qu'à 4 ce sera 1h20, tu vois, enfin c'est un t'imagines peu... le calcul que tu fais dans le magasin. Alors attends, c'est pas c'est, alors on est 3 donc divisé par 4 38, genre je pose 1 et je retiens 2, ça c'est horrible. Tu croises un gars avec une grosse migraine en fait, c'est normal, il est en train de compter là, c'est attends, 20 minutes, c'est 7 joueurs, mais après, on sera 4. Après tu vas avoir des boîtes où il faut écrire le temps par joueur, donc ça c'est les plus précis. Voilà, ça c'est facile ça. Ouais, ça c'est par exemple, j'ai un jeu d'Emio auquel on a joué que vous avez pas trop aimé qui se joue celui où Mélisse endormie. Ouais, c'est ça. Après elle était malade, le jeu est très très bien, mais c'est 30 minutes par joueur, donc là c'est assez clair. Et après il faut toujours prendre en compte la première partie, parce que la première partie tu doubles le temps en fait. Oui, déjà t'as l'explication des règles qui prend entre 5 et 15 et 20 minutes. Et aussi la première partie on joue tous avec deux tensions parce qu'on réfléchit tout. Bah oui, ça devrait être chiffré ça aussi, combien de temps de d'explication de réflexion par rapport aux règles. Ah oui, combien de temps d'explication par rapport aux règles. Ensuite, vous avez la complexité du jeu. Alors, la complexité du jeu, vous pouvez la deviner en fait avec une valeur qui est l'âge recommandé. L'âge recommandé sur les jeux, en fait, ça va vraiment vous donner un super ordre d'idée de la complexité du jeu. Je vais vous donner les âges principaux. En gros, en dessous de 8 ans, les jeux qui sont 3 ans et plus, 5 ans et plus, jusqu'à 8 ans et plus, ça va être des jeux qui sont surtout orientés enfants, voire familiaux, très simples. Les jeux pour gueulasses, c'est ça. Genre Uno, genre de jeu là, quoi. Ouais, okay. Je pense genre Dixit aussi, ça doit être 8 ans et plus, un truc comme ça. Donc les jeux vraiment faciles d'accès. À partir de 10 ans et plus, vous allez avoir des jeux qui sont déjà plus familiaux, il faut réfléchir un peu plus, où il y a un peu plus de règles, genre un Monopoly par exemple. Mais ça reste accessible. Ça reste accessible, mais il y a un peu plus de règles, c'est un peu plus long. À partir de 12 ans, tu vas arriver, enfin les jeux 12 ans et plus, tu vas arriver sur du familial plus, ça s'appelle. Donc en gros, ça va être du jeu familial, mais où il y a vraiment il commence à y avoir de la stratégie, de la tactique, etc. Ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, les jeux les plus complexes, c'est les jeux 14 ans et plus. C'est les jeux souvent, c'est la catégorie qu'on appelle les jeux experts. Ils sont 14 ans et plus. C'est les jeux vraiment, voilà, où il y a de la règle, il y a du truc, il y a de la stratégie, il y a de la compétition. C'est vraiment plus difficile. Donc si vous voulez, voilà, c'est ça. Si vous voulez un jeu simple, essayez de prendre un jeu qui est noté entre 8 et 10 ans et plus. Vous aurez un jeu qui est facile d'accès. Après, si vous voulez vous faire un gros jeu, vous torturer l'esprit, vous prenez un 14 plus. Et souvent, vous allez avoir un jeu. Si vous voulez perdre des amis, voilà. C'est un des rares. Tu rentres dans un magasin, tu dis vas-y, j'ai envie de me torturer l'esprit aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je vais me prendre comme jeu? Un jeu de 4 heures là, et on y va. Ah, moi j'adore ça, écoute, voilà. Oui, oui, mais voilà. Ou alors sinon, mieux pour les auditeurs, vous venez jouer avec Charles, comme ça vous êtes sûr d'avoir mal au crâne. C'est ça. Faire un jeu hyper compliqué, vous comprenez rien. 30 ans et plus, hein, voilà, on est sur du expert. Je vais essayer de finir rapidement. Il me reste 4 petits points. Donc, alors, un truc très important quand vous choisissez un jeu, moi c'est celui que j'utilise le plus quand je veux convaincre Mélie que je dois acheter ce jeu-là, c'est l'univers, la thématique. C'est un truc qui est très important pour certaines personnes. Vous voulez, ah bah moi je veux jouer à un jeu où on tue des zombies. Bon bah ok, ça existe, il y en a. Tu veux un jeu avec des oiseaux, il y a Wingspan, voilà. La thématique, ça peut vous aider à choisir. Vous avez le design, donc ça va un peu avec la thématique, mais c'est vraiment orienté la beauté du dessin. Par exemple, j'évoquais Dixit tout à l'heure, quand tu regardes la boîte Dixit, c'est magnifique les cartes, ouais. Tu dis ah ouais, c'est beau, tu retournes la boîte, tu vois des beaux dessins, ça donne voilà, ça peut donner envie, mais ça peut être trompeur ça parce ça que tu peux trouver une super belle boîte et en fait être super déçu du jeu quoi. Tout à fait. Ça peut être un peu trompeur, tu peux avoir des jeux qui sont très beaux mais un peu c'est un peu le syndrome boîte de nuit quoi. C'est comme ça, elle est super bien, quand tu la ramènes en fait à l'intérieur, il y a rien quoi. C'est ça. Okay. Terrible. Quelle horreur. Sinon vous avez un peu plus objectif, vous avez les récompenses souvent sur les boîtes comme les bouteilles de vin. Ouais, c'est comme les bouteilles de vin. L'alcool est de retour. quand tu vas voir une boîte d'un jeu qui a été un peu donc évidemment faut que le jeu date pas de vendredi dernier, sinon il n'aura pas de récompense. Oui, forcément. C'est logique. C'est sûr. Mais sinon, c'est très rapide comme récompense. C'est ça. Si après des fois vous allez avoir des petits sauts seal of approval de certains critiques qui ont testé le jeu en avant-première. Mais souvent du coup sur les boîtes qui ont bien marché, vous allez voir des petits stamples de récompense. Alors je vous cite des stamples, des tampons, des d'accord. Ouais. J'invente des mots, écoute, c'est comme non, ça. Non, mais pas de soucis, moi je. Et du coup, là, je vous cite les trois plus connus. Il y a l'As d'Or, donc c'est une récompense française qui est livrée au salon Cannes. Ouais, c'est ça. À Cannes, donc il y a l'As d'Or, c'est un petit rond doré, un peu comme la médaille d'or sur les bouteilles de vin. Vous avez le Spiel des Jahres, donc qui est le jeu de l'année. Allemand. Le Spiel des Jahres. Récompense allemande. T'as pas trop envie d'acheter celui-là, également. Qui est la récompense la plus prestigieuse pourtant, dans le monde du jeu. Ça donne pas envie, mais c'est la plus prestigieuse. C'est la plus prestigieuse. Par exemple, The Mind a eu le Spiel des Jahres. Par exemple, Domination a eu le Spiel non, des Jahres. Tu pas vois. Pas non, il a eu le Migraine des Jahres. Vous avez aussi le Trick Track d'Or. Alors, c'est un peu particulier. Trick Track, c'est un site internet qui fait beaucoup de critiques, de chroniques sur le jeu de société. Et ils délivrent tous les ans le Trick Track d'Or. Ouais, je crois que j'ai déjà vu ça. Ça me dit quelque chose. Il y a les Golden Geek Awards, pareil, c'est un site internet. Vous avez le Seal of Approval de Dice Tower, par exemple. Ce genre de choses. Donc, vous voyez les récompenses. Si un jeu, il a 8 récompenses, c'est un bon jeu. C'est que c'est bien parti. Voilà. Mmh. Ok. Vous avez aussi les auteurs, par exemple j'en cite un, Bruno Catala. Moi je sais que je suis fan de Bruno Catala, si vous aimez bien un de ses jeux. Il a des posters chez lui, non. Alors j'ai rien pour ou contre l'homme, mais je suis fan de ses jeux, il fait que des très bons jeux. Et ensuite vous avez la mécanique, donc là une fois que vous avez commencé à aimer un jeu, un type de jeu, par exemple j'ai joué à un jeu de deck building, je vous rappelle pas ce que c'est, on a fait une émission spéciale sur le deck building, enfin bon, en tout cas on a parlé des définitions. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. C'est ça, tout à fait, et sur notre page Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, voilà. Tinder. Oula. Tinder. Je sais plus ce que je disais, si vous aimez bien le deck building, bah, vous regardez le dos des boîtes, ce sera écrit un jeu de deck building, voilà. Et enfin, mon dernier conseil avant de raccrocher mon téléphone, c'est essayer les jeux dans les cafés-jeux. Il y a souvent des cafés-jeux, vous pouvez essayer les jeux. Et enfin, demander conseil. N'ayez pas peur à demander conseil à vos potes qui connaissent les jeux, aux vendeurs des boutiques, à votre chroniqueur Fadjet préféré. N'hésitez pas. Et ben en tout cas, je te remercie. Et c'est bon pour moi. Normalement, là, on est chaud. On va dans, je veux pas citer de marque, mais on va dans les magasins spécialisés et on achète tout pour 150 euros. Ouais. Alors en tout cas, merci Charles pour cette présentation des jeux. Il est 18h32. Tout de suite, on va s'écouter une musique très tendance, très actuelle avec les Gypsy King, Bamboléo. Merci Mélie pour ce choix. Au secours. Ça commence bien en tout cas. Ça donne envie. Ah oui. Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven. No te encuentro de commencé à applaudir, le Gypsy King, donc je suppose que c'est la fin de la musique. Oui, et puis il y a Mélie qui arrête pas de danser, donc il faut vite qu'on reprenne l'antenne. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et les histoires de Mélie aujourd'hui, c'est sûr. Je ne sais pas du tout sur quoi c'est. C'est sur quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais décider de tester un peu vos connaissances sur la mythologie grecque et romaine. Tout de suite, on va écouter Michael Jackson. Mais non, mais c'est des questions faciles, allez. Alors, du coup, première question. C'est pas compliqué, Camille, tu te calmes, ça va bien se passer. C'est ça la question ? Non. Bizarre. Hein. Qui est le plus grand des dieux, le plus important ? Zeus. Oui, bah voilà, vous voyez, vous savez. Vous voyez, je vous avais dit, vous savez. Ah bah elle était simple, sa chronique. En tout cas, merci pour cette chronique, Mélie. Non, ouais, alors, tout de suite, on va passer à une vraie musique. Donc, Zeus. Donc, c'est le maître des dieux. Donc, ses attributs, donc, c'est l'éclair, le spectre, et c'est du coup le dieu du ciel et du temps. Ses attributs, et mais pas un espace comme ça derrière, parce que c'est perturbant en vrai. Hein. Ses attributs, virgule. Est-ce que vous connaissez sa femme ? Qui est sa femme ? Zeus. Non. Il ne me l'a pas présenté. Aphrodite. Non. Je ne connais personne en fait. C'est Héra, sa femme. Ah, la ça vous dit quelque chose ? Ah, le groupe. Ah oui, elle fait la musique là. Améno. Améno, ouais, c'est ça. Donc Héra, c'est la déesse du mariage, des femmes, de la naissance. C'est notre déesse, Camille, pas la déesse de ces incultes à côté. Pourquoi ? Je n'ai pas le droit d'avoir la déesse du mariage ? Parce que non, t'es pas d'accord. Une femme. Bah, Allez, qu'est-ce facile. En plus. Ah mince. Ah zut, je ne connais pas mes voisins. Vas-y. La déesse de la guerre. Athéna. Ah, ouais. Voilà, Athéna. Mais alors attention, Athéna, c'est la déesse de la guerre, mais c'est la guerre sage, la guerre de raison qui est juste. La guerre mignonne, quoi. C'est elle qui a créé les maillots de bain ? Non, c'est pas des maillots de bain, Athéna ? Si, si. D'accord, j'ai eu peur, comme peur. Du quel but ou je vois comme... C'est sous vêtements, quoi. Ah, ok. Donc, l'attribut d'Athéna. La déesse de la guerre. Oui, mais elle c'est une lance, un bouclier. Oui, son symbole, un des symboles qui est connu. En plus, vous êtes allé à Athènes. La caca en fait. On n'est pas allé à Athènes. Si. On est allé à Athènes. Oui, vous êtes allé à Athènes. Athéna. Ah, donc. C'était quoi la question ? Mets pas la pression comme quoi, ça. Tribu, là, oh là là, mais vous n'écoutez rien. C'est un maillot de bain. Qu'est-ce qu'il me raconte, elle ? La meuf, elle est en maillot de bain. Mais en train de saccager la chronique de Mélie. Elle est jamais habillée, t'as au bout du rouleau, là. Non, allez, sérieusement. Allez, un attribut. L'attribut de la déesse Athéna qu'on retrouve à Athéna. Ah, Kalachnikov. Oh, la chouette. Alors là, j'y étais pas du tout. On l'aurait jamais sorti. La chouette. Ouais. Oh là là. Ah non, comment tu trouves la meuf, elle est dans Harry Potter maintenant, en fait. C'est lui, le symbole d'Athènes. Non, mais n'importe quoi. Alors, allez, plus simple. Hein. Plus simple. Voilà. La déesse de la chasse, de la nature. Camille, ça devrait parler. T'aimes bien en plus la nature. Mais pas la chasse. Ah, j'ai sûrement déjà entendu son nom quelque part. Ouais, oui. On veut la première lettre, s'il vous plaît, madame. Alors, ça commence par un A. Ah, non, mais j'ai plus Athéna qui vient maintenant, c'est foutu. Bah oui, hein. Du coup, ouais. Donc c'est Artemis. Ah bah oui. Oui. Ah, oui. Diane aussi. Vous savez, hein, je vous apprends rien, les dieux, oui, ils ont une appellation grecque et une appellation romaine. C'est à peu près la même chose. Voilà, mais sinon c'est la même chose. Allez, le dieu des forgerons et du feu. Comment tu veux qu'on sache ça ? Oh, c'est, monsieur. Joseph de Koh-Lanta. Oui, oui, dieu oui, du feu. C'est ça, Galon. Non, pas du tout, c'est Héphaïstos. Ah, mais en plus, je le sais. Mais oui, mais je suis. Ah non, moi je connais son nom, mais alors. Il y a trop de pression là, ça va trop vite. Bon, allez, facile, le dieu du vin. Dieu du vin. C'est toi ça. Ah, c'est bah Dionysos. Oui, c'est toi, Lily. C'est Dionysos. Oui, bravo. C'est aussi ça, un groupe de musique. Dionysos. C'est vrai. Donc, c'est le dieu du vin, de la fête, de la folie hein, également, forcément, quand on picole trop après. Et donc, ses symboles, grappe de raisin, vigne et la flûte de Pan. La flûte de Pan pour faire la fête. Tête, tête, tête, tête. Fais la fête chez toi. Ah, bah, on met Bomboléo et on fait. Tête, tête, tête, tête. Ensuite, Hestia, ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui, pas du tout. Hestia. Aucune idée. Bah, c'est l'inverse de Westia. Et ils n'étaient pas là au très bon terme. Après, ils font la gueule. Donc, Hestia, déesse de la chasteté et du foyer de la maison. C'est pour ça qu'elle ne me parle pas. Déesse de la chasteté. Ah, c'est là, j'ai une petite statuette de Hestia. Mais oui, on a une statuette. Et puis, t'as une statuette et tu ne sais pas qui elle est. T'as dit on, hein. Oui, oui, on, non, mais on, si, ouais. Si. Et en plus, on joue ensemble à Seven Wonders. Il y a Hestia dedans. Ah, ouais, peut-être. Mais il n'y a pas son nom décrit. Bah, si, si. Ah, si. Dans 20 jeux de société, Charles. Enfin. Ouais, bah, quelle erreur. Quelle erreur. Allez, Apollon, ça te connaît ça, Charles ? La déesse de la beauté, le dieu, pas le dieu, la déesse. Non, c'est 2021, maintenant il a changé ça. Ouais, c'est vrai. Il est non-genré. Yel est ce qu'il veut. Donc c'est le dieu des arts, de la divination et de la musique. Effectivement, on associe souvent la beauté à Apollon. Donc c'est pas du tout le dieu de la beauté, du coup, ça n'existe pas. Aphrodite, vous connaissez forcément son nom romain. Ah oui, oui. C'est une marque de rasoir. Ah, Vénus. Ah, voilà, vous voyez. Tu vois là, quand tu donnes les bons indices. Ah, marrant, tu me parles de marque de rasoir, j'avais pas du tout Vénus. Lui, t'es Gillette. Gillette. Je sais pas. Et donc, Aphrodite, c'est la déesse de... Allez, c'est facile. De l'aphrodisiasme. Oui, donc de l'amour, voilà, de la beauté. Et de la volupté. Attends, je vais couper le micro. Non, c'est bon, je m'étais. Est-ce que vous connaissez les symboles d'Aphrodite? Comment est-ce qu'elle est représentée? Rasoir. Pas de rasoir qui a coupé, non. Ouais, ça va être sympa encore, ça, hein, dis donc. Une rose. Oui, bon, ça s'en rapproche, un coquillage, un miroir, une colombe. Ça s'en rapproche. Un coquillage et la rose. Elle est tellement désespérée qu'elle prend tout. Ils sont nuls, les chroniqueurs. Mais... On aurait dit une bouteille de ketchup, elle aurait dit oui, ça passe. Ensuite, allez, un dernier, ou un avant-dernier quand même. On va en prendre un dernier. Le dieu de la mer. Ah oui, oui, bah oui. Avec le trident de... Poseidon. Poseidon, j'ai dit. Ah oui, bah oui, mais il y avait l'autre qui mais disait Cousteau. Vous avez coupé mon micro pour de vrai ou quoi? Cousteau. Guéla, il faut remettre mon micro. Cousteau. C'est la récré là. Je suis bloqué. Cousteau. Vous l'avez dit qu'il fallait pas que j'anime debout, c'est encore pire. Donc effectivement, Poseidon ou Neptune. C'est une attraction, un repas par carrette. Et bien oui, justement, tu devrais connaître. Et donc son symbole, c'est le trident et c'est le dieu de la mer et des chevaux. Et enfin, un dernier, le dieu des enfers. Normalement, vous connaissez. Oui, Lucifer. Hadès ou Pluton. Comme dans Hercule. C'est le... Oui, c'est ça. Ouais, mais voyez, vous avez dit que vous aviez des connaissances. Moi, juste à aller les chercher. Hein. C'est bien déjà. Excusez-moi, le prof d'histoire. Mais vous le savez, il faut juste aller chercher les enfants. Il fallait juste rechercher. C'était dans le livre. Le petit paragraphe, page 302, écran tout petit en dessous de la photo du dieu. C'est quand même pas compliqué. Bon, bah, du coup, je finis ce quiz pour dire que vous n'êtes pas très très bon. Je vais mettre la moyenne parce que je suis quand même une prof sympa. Voilà, ah, bienveillante. T'es gentille. Mais ça mérite carrément pas la moyenne. Hein, voilà. Mais bon, tu au moins deux. Hein. Non, mais cumuler nous trois, on a la moyenne. Ouais, je voilà. Oui, c'est ça. Ça. On a 3,5 ouais. Chacun, on arrive à 10. C'est ça. Ah, nickel. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Mélie, pour ce quiz super instructif. J'ai déjà tout oublié, mais c'est pas grave. Il est 18h43, on va s'écouter Imagine de Ben Platt et juste après, on va réviser l'actu. Your eyes give life a new meaning. It's like I found the north light. I never knew what I needed until I felt your hand holding mine. Yeah, you say I'm your hero, but you are the one that saved me. If I ever lost you, I'd fall to my knees. Your eyes give life a new meaning. It's like I found the north light. Oh, I never knew what I needed until I felt your hand holding mine. You say I'm your hero, but you are the one that saved me. If I ever lost you, I'd fall to my knees. Without you, I can't imagine one night without you. c'était Ben Platt avec Imagine. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous? Ça fera rire à chaque fois, ce jingle. Toujours. Le génie de l'actu. Donc, cette semaine, je vais essayer de compter les points à ma place. Ça sera plus simple. Alors, moi, j'en ai 21. Non, bon, bah, finalement, je vais compter les points. Je fais le comptage, si vous voulez. Ouais, je veux bien, parce que j'ai rien pris pour noter, parce que je rappelle pour l'auditeur qui n'était pas là il y a deux semaines, j'ai complètement inversé toutes les cases. Non. Et du coup, j'ai annoncé un mauvais vainqueur. Donc, cette fois, je vais essayer de faire mieux cette semaine. Allez, on va partir dans les boulangeries. Mmh. Où il y a une pub un peu spéciale sur le papier qui emballe les baguettes de pain. Est-ce que vous l'avez vu ? Il y a une pub pour les Miss France. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas acheté de pain. Non. Est-ce que c'est par rapport à un autre truc qui se mange ? Non, c'est pas par rapport à un truc qui se mange. Par rapport à un événement ? Non. Non. Est-ce que oui, c'est non. Sexuel ? Non. D'accord. Dans une boulangerie, mais il est chaud. Mais je sais pas si c'est une actu, what the fuck. C'est une pub qui n'a rien à voir avec la boulangerie en tout cas. Bah voilà. Ah, et bah c'est une pub pour du shampoing. Non. Je sais pas. C'est pour quelqu'un. Pour un humoriste. Non. Pour un acteur. Un politique. Non. Quelqu'un qui est mort. Non. C'est pour. Je crois pas. Alors tu dis non avant qu'on réponde, ça veut dire que c'est un animal. Non, c'est un animal, mais tout dit sauf la fonction du gars. Donc, C'est pour un boucher. Un policier. Non, bah non, une fonction connue. Un truc un enseignant. Non, ce serait un trop autre beau. Boulanger. Non plus. C'est de la concurrence. C'est un art. C'est un art. Un peintre. Un art. Non. Un chanteur. Oui. Un chanteur. Oui. Christophe May. Non, plus vieux. Johnny Hallyday. Attends, c'est le chanteur moins qui est vieux du coup. Il a dit pas moi, de préférence. Je peux pas dire autrement. Thomas Dutronc. Non. Renaud. Vous l'aurez jamais, je pense. En vrai. Parce que, franchement, celui qui me le sort, je lui donne deux points. Oui, donc. Non, mais est-ce que c'est un chanteur vieux ou qu'on peut connaître ou pas ? C'est vous un chanteur. Jean-Jacques Goldman. Il chante en ce moment ou pas ? Bah, du coup, oui. Alors, il chantait plus depuis longtemps. Il vient de ressortir un album et il se fait de la pub. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. Celui qui chante la bohème. Bah non, il est mort lui. La bohème. C'est Aznavour, mais il est mort. Parce que, je réponds tout seul en fait. Vous emmerdez pas, je vais vous le donner parce que c'est trop compliqué. Oui, c'est trop dur. Pour faire la promo de son album, Franck Michael. Franck Michael. Je crois que ma mamie elle aime bien Franck Michael. Ah bah voilà, sorti un album. Et bah il a sorti un album et du coup il a mis, tu sais, les emballages des baguettes. Donc sur une face, il y a une photo de Franck Michael où c'est écrit je vous embrasse. Il y a un autographe et de l'autre côté, il y a un QR code. Pour pouvoir directement commander l'album dans les grandes surfaces. Non, mais en vrai, c'est malin, parce que. Mais c'est super malin, parce que je pense que le public de Franck Michael a à peu près 80 ans, ils vont tous acheter du pain. Ouais, mais ils savent pas qu'ils scannent un QR code. Par contre, mais c'est surtout que c'est inédit, en fait. Tu te dis, qu'est-ce qui a jamais été encore fait. Bah voilà. C'est ça. Franchement, c'est non, c'est sympa comme idée. Alors, on m'annonce d'ailleurs que Decathlon va bientôt faire de la pub pour Jules sous les jogging aussi. Ah zut, on n'achètera plus alors. C'est dommage. Allez, on va aller fêter Noël dans une maison aux États-Unis, mais dans laquelle ? La maison de Maria Carré, non ? Tu nous invites où ? Non, vous pouvez la louer. La maison blanche ? Ah bah non, pas trop. Attends, la louer celle-là. J'ai entendu ce truc. Moi aussi, maison d'une personne. Une maison hantée ? Non, non, c'est pas ça. Elle date d'aujourd'hui, l'info. C'est la maison d'une personne connue ? Hier, peut-être. Comment ? J'ai pas entendu. C'est la maison d'une personne connue ? D'une personne, oui. Pas vraiment d'une personne. Père Noël. Non. Ça appartient à l'entreprise, quoi. C'est un rapport avec Noël, par contre. La maison des Télétobies. Quel rapport avec Noël, les Télétobies ? Des lutins du Père Noël. Non plus. Non, mais attends, c'est où en plus ? Aux États-Unis. Ah, mais non, c'est pas le Père Noël. C'est pas loin de Chicago, je crois. Un truc, une usine de jouets ou un truc comme ça ? Non. Une maison connue. Ce soir. Elle est connue. La maison des Simpsons ? Non, aucun des deux. La maison de ma famille d'abord. On se rapproche de ça. La maison de 7 à la maison ? Non. Mais ça n'a pas avec une série ? Non. The Charmed ? Un film. Un film. Un film. Maison un film dans de Noël ? Ah ! Mais non, j'ai raté l'avion ! Ouais. Quand même, un film de Noël ! Chicago, bah oui, j'aurais dû. Oui, effectivement, le 12 décembre, vous pourrez louer donc, la maison de Maman, j'ai raté l'avion contre $25 seulement. Donc les réservations sont ouvertes à partir du 7 décembre. Pour $25. Et d'ailleurs, ils ont mis un faux message de Buzz McAllister qui a mis dans l'annonce. Il y a plusieurs années, pour Noël, nous sommes allés à Paris. Enfin, la plupart d'entre nous. Bien que nous soyons plus âgés et plus sages, j'ai même ma propre société. Nous sommes trop âgés pour les pitreries. Alors, pendant nos vacances, j'invite les espiègles à laisser libre cours à l'enfant de 8 ans en eux dans ma maison d'enfance. Oh, mais oui. Ah, ça, c'est marrant. J'aime bien. C'est le 7 décembre, les raisins. Donc, après, c'est marrant. Le 7 décembre, il faut pas. Faut aller à Chicago, quoi. Oui. Moi, je vais déjà en Laponie. Je peux aller partout à un moment donné. Enfin, c'est plus possible. C'est sûr. Allez, on revient en France et quelqu'un qui a payé quelque chose 1600 euros. C'est quelqu'un qui a payé quelque chose. Quoi, en fait. Mais normalement, t'en as pour 20 quelqu'un balles, qui a payé ses impôts. Ouais. Non, c'est un truc qui normalement coûte pas 1600 alors... euros. Sinon, ce serait pas une actu. Sinon, ce serait juste normal. Est-ce que c'est quelque chose qu'une star a utilisé et revendu? Non. C'est quelqu'un. C'est quelque chose que tu peux faire dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est encore un truc sombre ou ça? Non. Va c'est non, genre c'est une vrai, photo. Non. C'est un service que tu loues d'habitude pour faire quelque chose. Sauf que lui, il en a abusé et au lieu d'avoir 20 euros, il en est pour 1600 euros. Genre Uber Eats. Genre sans le hits. J'ai eu genre Uber du coup. Du coup, on va dire que t'as le point, effectivement. Ah oui. Il y a, donc, Uber a fêté ses 10 ans et du coup, ils ont dévoilé des chiffres. Il y a un gars, il a fait 1129 km, 1500 euros. Donc, il est parti de Marseille pour aller jusqu'en Bretagne en Uber. En une course, du coup. Mais pourquoi? En une seule course. Oui, pourquoi? Ouais, mais je comprends pas. On a 1600 euros pour la course. Ouais. Vache. Et du coup, c'était le 30 mai 2020, donc c'était juste après le confinement. Donc c'est même 1607 euros et 91 centimes. Mais... Donc du coup, le chauffeur qui a fait Marseille-Bretagne, il a dû rentrer tout seul après. Donc, bah, non, oui. Ça a dû être un peu long. Mais c'est bizarre. Et, ouais, pour 1600 balles, je le sais. Hein. C'est clair, bah, ouais, c'est clair. Du coup, Uber ne précise pas si le client a laissé un pourboire. Bah, oui, non, c'est sûr. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques en Bretagne, mais quand même, de là à se faire livrer depuis Marseille. Ouais, ça fait un peu. C'est quand même un peu abusé. Quoi. Le train, c'est cher, mais c'est quand même moins cher que 1600 bah, balles. Ah oui. Allez, on va rester en Europe où un couple, il lui est arrivé quelque chose d'assez surprenant pendant ses vacances. Il y a eu une avalanche. Non, c'était pas prévu en tout cas. Ah bah, l'avalanche, ça serait pas surprenant. Non, mais du coup, c'est oui. Ils sont prévus, c'est pas surprenant par définition. Oui, forcément, ouais. Je vais apprendre le français. Ils sont arrivés dans un hôtel où il y avait l'amant ou la maîtresse de la femme ou de l'homme. Non, mais ils sont arrivés dans un endroit en tout cas. Ils sont dans un endroit qui n'était pas prévu. Oui. Dans un hôpital. Et attends, ils sont allés en voiture. Non. Si vous trouvez moyen de transport, vous ils étaient en avion et ils sont crachés, ils ont atterri dans la mer. Non, donc l'avion, il n'est pas allé à l'endroit qui était prévu. C'est trompé d'aéroport. Ouais. Presque. Déviation. T'as dit, ils sont trompés d'avion. Ils sont trompés d'avion. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont trompés d'avion. Voilà. En fait. Il y a quelques jours, un couple de Britanniques qui pensait avoir embarqué pour Séville a eu une surprise de taille en découvrant que leur avion avait fait un atterrissage en Grèce à 2500 km de leur Je comprends pas comment c'est possible, tu scannes ton billet. Et ben, à l'aéroport Stansted de Londres, ils sont contentés de suivre les informations sur leur billet Ryanair. Et en fait, ils sont montés dans un avion direction la Grèce et non l'Andalousie. Donc, ils ont contacté Ryanair. Ryanair a été gentil, leur a quand même remboursé une nuit d'hôtel. Sur les quatre, du coup. Ah ouais. Et ils leur ont dit que malheureusement, ils ne pouvaient rien faire. C'était aussi aux clients de s'assurer qu'ils montaient dans le bon avion. Ouais, j'arrive pas à savoir qui est le plus bête, enfin, malchanceux, pas de bol. Faut quand même le vouloir pour aller dans le mauvais avion. Il y a quand même un sacré paquet de vérifications. Pour moi, au contraire, j'ai l'impression de le faire trop de fois. Et à chaque fois que tu prends l'avion, c'est ok, c'est bon, et tu revérifies 15 fois. Oui, bah, j'ai compris, c'est bon, ouais, j'ai compris, je le sais. Du coup, ils en avaient tellement marre, ils se sont dit, bon, on vérifie plus, c'est bon. Ils s'en sont rendu compte qu'au moment où ils ont voulu prendre un taxi. Ah oui, d'accord. Ils sont descendus de l'aéroport, ils sont dit, tiens, ils ont vu des mecs avec de la feta partout. Ils sont dit, je savais pas que c'était espagnol. Ils ont pas des gens qui disent. Ils ont vu Nikos, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre. Bienvenue en Grèce, la température est actuellement. Non, tout ça, il n'y a pas. Il a dit, bienvenue à Séville, c'est Nikos, le loup. Mais franchement. Et du coup, bah, c'est là qu'il leur a dit, mais en fait, les gars, vous êtes pas en Espagne. Mais même pire que ça, t'as ton forfait qui t'envoie un message, bienvenue en Grèce. Bah oui, normalement, t'as 50 000 indices, quoi. Bah, non, puis, en plus, dans l'avion, t'as des petites tablettes où tu peux suivre le trajet du vol. Ouais, alors ça, c'est quand tu prends un gros vol. Mais... Bah non, il n'y a pas ça avec Ryanair, à mon avis. Bah, moi, quand on est parti en Grèce, on avait ça. On pouvait suivre sur le pas parti avec Ryanair, Mélie. Oui, bon, bah oui, mais peut-être sur le téléphone, il y a quand même. Je pense qu'avec Ryanair, il n'y a rien du tout. Tu te tais, tu manges ton bout tu as déjà de la chance d'arriver. Allez, on va partir au Mexique. Est-ce que vous connaissez Brendan Burgos? Oui, tout à fait. Ah, c'est mon pote, ouais. Ah bah, c'est bon, c'est t'as raison. C'est un dealer de drogue. Non, c'est au Mexique. Hein. Non, c'est plus au Brésil. Non, non, mais il a un palmarès étonnant à son âge. C'est pas un sportif? Non. C'est légal? Oui. Il a mangé des tonnes et des tonnes c'est de salsa. C'est pas un truc, ça peut être un métier. Politique? Non. Ça peut être un métier. C'est un rapport avec la nourriture? Non. Avec les voitures? Non. Avec l'esthétique. La couture. L'esthétique. C'est un coiffeur. Le nom de truc de chirurgie esthétique. J'arrive pas à parler tellement le stress d'or. Non. Il fait les Camille, choses. C'est un jeu. C'est pas sur lui, il les fait sur les autres. Il tatoue? Oui. Il tatoue. Bon, je vais te donner la réponse. Ok. Ah oui, bah il a clairement. Il a 11 ans, il a déjà tatoué 30 tatouages. Ah la vache, sur lui, où il a fait des tatouages. Eh ben, il a fait des tatouages. En fait, il a commencé le premier sur son père. Il lui a fait un crâne. Ah ouais, d'accord. Il est tatoueur. Son père est tatoueur en fait. Et du coup, il a regardé son père. Et un jour, son père a dit, bah vas-y, fais-moi-en un. Et du coup, maintenant, il a déjà 30 tatouages à son actif. Et les gens commencent avec le bouche à oreille à vouloir se faire tatouer. Bah par oui. Et quand il aura 20 ans, laisse tomber la réputation. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est alors pour l'instant, la seule condition que lui donnent ses parents, c'est de bien travailler à l'école. Tant qu'il a des bonnes notes, il a le droit de tatouer en dehors des heures scolaires. Oui, mais lui, il ne veut pas devenir tatoueur, il veut devenir marin. Ah ouais, il veut une bonne chose à voir. S'il rate son diplôme de marin, son permis bateau, du coup, je pense, il pourrait être tatoueur. Il pourrait toujours tatouer sur les bateaux aussi. Oui. Les marins, souvent, ils sont tatoués en plus. C'est vrai. En tout cas, dans les clichés, ils sont tatoués. Il a une vraie passion. Enfin, tu sais, il était prédestiné à ça, mais il a vraiment un truc qui lui plaît à lui. C'est bien. C'est super. Cool. Bon, après 11 ans. Cool. Moi, je n'oserais pas me faire tatouer par un gars de 11 ans, mais après. Ouais, j'ai un peu peur quand même, tu vois. Ouais, j'aurais peur aussi. Allez, on va partir, je pense, avec la dernière actu. C'est une nouvelle application qui vient de sortir. C'est un rapport avec l'amour. Non. La bouffe. Non. La couture. Non plus. La culture. Mais tu peux nous laisser en placer une là, ou comment c'est un truc assez large d'un coup la culture, on ne sait pas pourquoi. C'est en lien avec un plan Google Maps. Oui. Ah. Bah alors on y est presque. C'est un nouveau GPS. C'est un nouveau GPS. Non, mais il a une particularité, il y a Maps dans le nom, mais il a une particularité cette carte. C'est un GPS avec des avions ou des bateaux ou un truc comme ça ? Non. On peut changer la petite voiture et puis à la place on met un petit tracteur. Non, non, non. En fait, c'est Maps. Une appli GPS sauf que elle vous donne des indications en plus. Ah, la météo, où sont les autres gens, la position des gens. Non. Elle nous donne. C'est vraiment ça qui fait la subtilité de l'appli. Je pense à que des choses inutiles. Oui, moi aussi. Ça peut pas être ça, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Ah bah, c'est inutile. Hein. Ah, c'est inutile. Assez inutile. Je sais pas s'il y a des points d'eau autour, si tu vois un truc. Le nombre d'arbres qu'il y a, s'il y a des forêts, si. Non, mais je vais vous le donner parce qu'il nous reste plus que 3 minutes avant 19h. Non, mais Mélie a trouvé là. Ça s'appelle. Oui, on va dire que Mélie a trouvé. Allez. Ça s'appelle Hoodmaps et en fait, c'est une carte collaborative. Et en fait, elle vous donne le plan de la ville et les gens peuvent eux-mêmes mettre des commentaires sur telle ou telle chose, c'est tel bâtiment. Et du coup, j'ai regardé pour Nancy ce qu'on a mis. Donc la rue Jeanne d'Arc, elle est indiquée comme l'avenue des prostituées. Oh non. La faculté de lettres, la fac en ruine. Et le Cora de la zone d'Oudemont, le gros Cora. D'accord. Ah donc en fait c'est Wikimaps quoi. Ah c'est ouais, ça. C'est utile, quoi. J'en ai un qui est drôle. Le parking de la faculté de médecine à Brabois est connu pour sa forte fréquentation. C'est écrit parking toujours plein sa mère. C'est Hoodmaps. Ah Hood ouais, Maps. C'est très utile. Ah ouais, c'est bien. Allez, un dernier, le meilleur bar de la ville, c'est le Bagatelle. Et enfin, Mamie Branchée est surnommée Cougar Town. Voilà, ah ouais. C'était cool. Tout. Donc qui a gagné le génie d'actu ? C'est moi. Non, c'est moi. J'ai compté. Je vais lancer le générique de fin et vous vous battrez. Hein. Si je tue Charles, c'est bon. Bon, elle est contente. Bah ça y est, il est 18h58 et 37, 38, 39, 40 secondes. Bah, je pouvais vous écouter jusqu'à la fin. Moi, je m'en fous, je vais chercher quand même. Donc, du coup, Charles, tu donneras le gage à la personne de ton choix. Cette fois, ça a été validé par les huissiers Camille et Mélie. Hein, je n'ai pas fait d'erreur, vous êtes d'accord ? C'est ça. J'ai gagné à la loyale pour une fois. On se retrouve quant à nous sur Fadjet. Donc, pareil, hein, le jeudi à 18h, le 16 décembre, pour une voisinade de Noël. Des chroniques de Noël. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura des bonnets de Noël, des slips de Noël. Chaussettes de Noël. Je vous annonce en exclusivité qu'on sera aussi rediffusé le 24 décembre parce que le Père Noël a demandé expressément à passer sa journée avec nous. Trop bien. Donc vous saurez. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. Rien que pour venir habiller en fringue de Noël, je vais même pas parler, je vais juste venir et mettre les chansons Last Christmas et de Wham. On fera enfin une bonne voisinade. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On met les photos sur Facebook, sur Instagram et le podcast sera disponible pendant encore 15 jours. Bonne soirée à tout le monde. Il est 19h sur Fadjet. Bisous, bisous. Salut. Salut.